Seconde, pas ni minute, au soir la vous et moi, péqué d'ami, nous qu'a démarré, c'est pour toute la nuit, intensif, nos limites, besoin détaché moi, envolé, qu'elle en gueule, c'est coupable. Si ou pas ni bon charge, si moi, laissez-moi mener ou pas à signage. Pas moi tout si c'est qu'on s'enroule. À deux minutes, nous qu'est bien savourer. Mon petit moment où nous qu'est caresser, cajoler, apprécier. Vini ou baby, le soir là c'est rien qui nous chérit. Vini ou baby, le soir là c'est rien qui you and me. En ressentant nous en face, comprimé fois, comprimé soir de tout. En ressentant nous comme d'hab, ensemble, ensemble, l'amour plus fort, chérie. Non, nous pas ni limite, nous si on d'autobit, baby. Tellement magnifique que tout ça ou m'en dit moins qui baouli. Si c'était seulement physique, en te dit ou non ça pas véridique. Ou ni on l'esprit si authentique à mettre moins en folie. Donc, pas moins tout si c'est qu'on ça ouvre. À Dominique, nous qui peut savourer. Un petit moment où nous qui caresser, cajoler, apprécier. Vini ou vini ou baby. Voilà, c'est rien qui nous chérit. Vini ou baby. Voilà, c'est rien qui you and me. Ressentis-nous en face. Comprimé fois. Comprimé soir de tout. En ressentis-nous comme d'hab. Ensemble, ensemble. L'amour plus fort, chéri. Bonjour à tous, vous êtes avec EDS dans Code Lambi, musique jeudi, premier dimanche de chaque mois, 16h-17h, un petit panorama des musiques actuelles de Martinique, de Guadeloupe, musique créolophone. On a démarré avec l'électro-hip-hop créole de Nomis et Cyril d'Alexis. On a déjà joué un premier titre qui s'appelait Arène Bouillon. Allez découvrir ça, ce mélange de hip-hop électro. Ils explorent un petit peu et on poursuit avec la nouvelle mixtape d'un artiste guadeloupéen, Williams Café. Le projet s'appelle Créole Love Session. Il est disponible gratuitement sur le net et le titre qu'on va écouter, c'est Sorry I'm Positive. Ladies and gentlemen, welcome to the Creole Love Session. Yeah, let's go. Si bitin la sa pa ba mwen non, non a pa ba mwen non, non a pa ba mwen non, non a pa ba mwen. Si bitin la sa pa ba mwen non, non a pa ba mwen non. I'm sorry but I'm positive. Au pays là nous aimer dit genre j'ai carbone aussi j'en cadre mi bégadé qui j'en nous carangé dans nous. C'est même pas tout ou un monde critiqué, jalousé tout ça qui douvant pour faire premier monde kakouri fou. Tout pendant rien monde kafon yo bisafon comprendre que pays Guadeloupe. C'était à l'amour. Tout pendant les cas pour savoir qui laisse qui bosse. Mon fini qu'à investir pour tout ça qui t'en nous souple. Dis-moi, t'es qu'à faire. Est-ce que nous sommes peuple qui a marché si tête? Qui a crié bien mal, mal bien. Hello, ton week-end, c'est meilleur les petits bons qui mettent. C'est extraordinaire. Depuis c'est pour faire vis, nous populaires. Sur quoi tu dis, veille, y'a qui vaut, vive vibes, ça tu stop. Fais ta oui un café, ta main, come on. Jalousie. Et hypocrisie, fais mon mal et mettez-moi carino, on peut pas faire ça. Oh, I'm sorry, but I'm positive. Si bitin la sa pa ba mwen non, non a pa ba mwen non, non a pa ba mwen non, non a pa ba mwen. Si bitin la sa pa ba mwen non, non a pa ba mwen non. I'm sorry, but I'm positive. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bini, bini, bini, bini, parfait feeling. Si quoi rester, si donc quoi qu'on peut s'en. Nous savons qui j'en manipé, c'est pas gré. Zami qui j'en anti, moi sauté, pédivisé, tout au fond. Ça qui j'en ai malgré, ça qui panique, ça qui panique. Parler des moutis, quoi, y'a que nous qu'a parler des Yuditi, y'a qui laissé pour faire chalet, pour biter, soyez les camarades, cadio. Si mal à télé, papa, vin, fouet moi, si c'est pour dis-moi. Débit des négatifs, fou qu'a ralenti, moi. A pas qu'à sous, a pas qu'à chat, mais pas fond, si moi. C'est directive à bon, dit qui qu'a fait, moi, aille plus loin. c'est extraordinaire. Depuis c'est pour des autres, nous populaires. Sous pas cultivé, y'a qui mauvais vibes, ça dit stop. Fais ta way un café, ta main, comment? Jalousie et hypocrisie, fais mon mal et mettez-moi carine, nous on peut pas faire ça. Oh, I'm sorry, but I'm positive. C'est bien là, ça pas bon moins, non, non, a pas bon moins, non, non, a pas bon moins, non, non, a pas bon moins. C'est bien là, ça pas bon moins, non, non, a pas bon moins, non. I'm sorry, but I'm positive. I'm so free, but I'm positive. I'm so free, but I'm positive. On poursuit maintenant avec une nouveauté de ce mois-ci. L'artiste, c'est Rachel Allison. Le morceau Caribbean avec un gros clip réalisé par Chris Macari qu'on vous invite à découvrir sur YouTube. Et juste après, on va enchaîner avec une nouveauté. C'est le rappeur, c'est Malkema, le morceau Roger. A tout de suite. Sorti la vie, nous vivons là, nous vivons sans faire délit. Mauvais karma, mauvais karma. Très bon drama, très bon drama. Tous les mots, tout peut encore changer. Travaille pour faire rentrer billet. Roger, Roger. Pour mettre madame à Dieu pour nous taille à billet. Roger, Roger. Les rois week-end rivés, c'est bon et à piller. Roger, Roger. Mais y'a pas pour fêter le 14 juillet. Roger, Roger. Roger, pas philosophe. Ah, qui va politicien. Ah, pas me demander qui l'a il est. Ah, Roger, Roger. Famille à Yéli Love. Ah, tout homme y'a aussi. Ah, mais pas pour prendre ni qu'à oublier. Ah, Roger, Roger. Le monde a parti en coup, mais il passe yo, il passe yo, il passe yo. C'est comment tu bon nous, mais il carry yo, il carry yo, il carry yo. A pas qu'à Roger s'en foutre, mais qu'on veut idio, qu'on veut idio, qu'on veut idio. C'est mon évaillé qu'a porté, il passe hyper héros, hyper héros. Yo dis somme dit, pas nous prendre la rouge, pas nous prendre la rouge. Yo dis somme dit, pas nous prendre la rouge, pas nous prendre la rouge. Pas vu qu'on est à rouger, pas vu qu'on est à rouger, non, non. Il pas même ni Facebook, ni pas même ni télé. Roger, Roger. Si pas fait ni musique, il déjà c'est que les. Roger, Roger. Bon Dieu merci, c'est madame Maggie qui a trouvé. Roger, Roger. Faut que la raison, il pas ni a rien à prouver. Roger, Roger. J'ai pas qu'à rouler sinon, mais j'ai pas qu'à faire rien. La vie fait des gars profiter. Roger, Roger. J'ai vivant dans un démon. Je dis sans doute, mais pas pour point de précarité. Roger, Roger. Le monde qui a parti en couille, mais il passe yo, il passe yo, il passe yo. C'est le musicament qui bon nous, mais il carry yo, il carry yo, il carry yo. A pas qu'à Roger s'en foutre, mais qu'on veut idiot. Qu'a prouvé idiot, qu'a prouvé idiot. C'est mon éveil qui a porté, il passe super héros, super héros. Je dis sans doute, pas du monde est la rouge, pas du monde est la Pavine prend tête à Roger. La nouvelle production de Malkema, ex Jean-Luc Poya, et c'est le premier extrait de son prochain EP Soul Eclectic Music. On va enchaîner avec le fils de Jeune Mona, Max Mona, que j'ai eu l'occasion d'entendre à un concert d'Akio en Martinique en octobre dernier. Et bien voici sa première production, le morceau Authentique. Authentiquement, yeah, authentiquement, carité. Martinique pour elle, c'est authentique. Mais à côté, les gens, tous ces comprendre que c'est moi qui suis critique. Pas garder les autres, payer les tous à pas, mais ouvrir la porte et moi-même, garder tous ces autres. Authentiquement, yeah, authentiquement, carité. Authentiquement, yeah, authentiquement, carité. Authentiquement, yeah, authentiquement, carité. Danser. Authentiquement, yeah. Forçons nous attend longtemps. L'amour nous tenit face aux exploitants. Mais tout ça fait place, fait place, fait place à la désillusion. Qui m'a qu'à communiquer, qui m'a pas qu'à voir rien. Ça normal, m'a pas qu'à créer rien. Tête m'a flow, y'a qui glow, bagaille chaud. Et moi-même qu'à faire le show. Tête m'a flow, y'a qui glow, bagaille chaud. Et moi-même qu'à faire le show. Authentiquement, yeah, authentiquement qu'à hérité. Authentiquement, yeah, authentiquement qu'à y parler. Authentiquement, yeah, authentiquement qu'à y danser. Authentiquement, yeah, authentiquement qu'à y rester. Conelambi, Music Jeudi, on arrive déjà à la fin de notre sélection musicale. Pourquoi ? Parce qu'on va laisser la place à notre invité dans peu de temps. On va ponctuer avec un titre de Dédé Saint-Prix, Moins envie, ouais, oh. Il s'adresse à la Martinique, nostalgie du pays Martinique. Tandis que tout à l'heure, on va vous parler de Paris. Et sachez que c'est le premier extrait de son prochain projet, Musique Jeudi, Musique d'aujourd'hui. Mais on laisse aussi la place aux artistes qui étaient déjà présents hier, mais qui sont toujours aussi productifs, créatifs. Dédé Saint-Prix, premier extrait de l'album, Dri couramment, Moins envie, ouais, oh. Nostalgie, Panijou, Pouichembeo. C'était Dédé Saint-Prix à l'instant, Moins envie, ouais, oh. Eh bien, on va se servir de ça pour faire une transition. Le passage de la Martinique à Paris avec notre invité du jour, Kevi Donna. Kevi, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, Kevi Donna qui est le créateur du projet Le Paris Noir. Il va nous en parler dans un petit moment, histoire de se mettre en jambe. On va écouter quelques mots de notre poétesse, chroniqueuse, freelance, maison, Simone Lagrand, avec un texte intitulé « Paris la Belle ». Paris la Belle a accouché du Nil. Rejeton bicéphale aux allures négritude. Arraché au forceps, matrice ultramarine, le poupon a des bleus rougis par l'amertume. Paris la Belle a eu un bébé toute seule et voudrait maintenant le noyer dans l'eau du bain. Romulus et Rémus têtent la République. Une voix crie au loup, lycanthrope solitude. La bergerie n'a pas de porte, le loup a pris ses habitudes, vous avez de grandes dents, cannibale, attitude. Marianne au bois dormant ne sommeille que d'un œil et veille sur ses ouailles comme une mère maquerelle. Car la métropole grouille de troupeaux révoltés, métropolie parfois. On a dit liberté. Leurs rêves sont polissés au fond de politesse, polyethnique cité, pleines de polycites mais qui n'ont pas leur place, empire polissé, cicatrisant les traces. La métropole hautaine est bien trop occupée à chasser tous les cancres qui usent leurs culottes au fin fond des banlieues, alors Paris berce son île et lui promet la lune, bâillonne des colères qui bouleversent les urnes. Paris a accouché d'une île en France. petit pousset perdu au cœur de l'Île-de-France. Madinina m'a dit que ses enfants dissidents ne savent plus qui ils sont. Et Gwada dit que c'est le dawa depuis qu'on a loupé le coche. Poste, colonisation qui dèle département. Égalité, rime pas toujours avec département. Le king de la métropole mégalote rionné. À la mégaloterie du business plan, on se fait sodomiser. Atomisé, comme des Tommy, comiques dominés et lobotomisés. 971, 972, 973, 974, 100% des gagnants auront tenté leur chance. Bienvenue au baptême de la belle Île-de-France. Atomisé, comme des Tommy, comiques dominés et lobotomisés. On m'a dit « French West Indies, sais-tu que la terre est ronde ?» On m'a dit « DFA, oh comme vous êtes foncé !» Merci mon général. Atomisé comme des Tommy comiques dominés et lobotomisés. Paris la Belle a accouché du Nil. Rejetons bicéphale aux allures négritude. Une voix crie au loup, lycanthrope solitude. La bergerie n'a pas de porte. Le loup a pris ses habitudes. Simone Lagrand, Paris la Belle. Donc, Kevin Je vais te demander tes impressions, mais on va dire que... Alors, ce n'est pas un texte qui parle à proprement parler de la présence noire à Paris, mais qui est beaucoup plus tourné vers la Caraïbe, l'outre-mer caribéen, on va dire. Il faut trouver des appellations. Mais voilà, qui parle un peu de cette question d'une certaine présence à Paris dont on ne parle pas. Et donc, est-ce que tu peux nous dire déjà comment t'es venue l'idée du Paris noir ? Comment m'est venue l'idée ? C'est arrivé en plusieurs étapes. Faut dire que d'abord, j'étais déjà guide touristique. Ça faisait 2-3 ans que j'étais guide touristique. J'aimais beaucoup le métier, mais j'avais un petit peu l'impression de tourner en rond, à faire des choses très classiques. Et j'avais, par mes rencontres avec les touristes, beaucoup de questions sur cette présence noire, au sens large, à Paris. Et puis moi, j'ai fait des études de sciences politiques avant, donc c'est toujours des questions d'histoire politique, histoire coloniale, ça m'a toujours assez intéressé. Donc c'était une façon, de répondre à ça et de le faire en utilisant mon activité de guide touristique. Voilà, réponse simple. Donc oui, parce qu'on va faire les choses dans l'ordre. Avant de te demander d'où est venue l'idée, qu'est-ce que le Paris noir, parce que tout le monde ne le sait pas. Le Paris noir, donc, c'est un ensemble de visites qui retrace les parcours de personnages historiques, culturels, politiques, passés par Paris. Donc, qu'ils soient de la Caraïbe, des États-Unis, d'Afrique, Paris, ça a été, ça l'est toujours d'une certaine façon, un endroit assez important pour les diasporas noires au sens large. Et donc, de personnages comme la négritude, Senghor, Césaire, Damas, des joueurs de jazz, des intellectuels afro-américains, des gens d'un peu partout. On vous invite à aller voir sur les réseaux, à prendre contact pour faire vous-même votre visite. Moi, avant de vous présenter Kevin Donat, j'ai moi-même testé le produit. Donc, j'ai fait la visite Paris Noir du quartier latin. Germain. Exactement. Et tu as déjà eu beaucoup de presse, beaucoup de médias qui se sont intéressés à ton projet. Ce qui m'a toujours surpris, vu l'image que je me fais des médias français, ne serait-ce que par rapport au nom Paris Noir, je me suis dit qu'on avait bien évolué. Et puis, suite à un reportage qui t'était consacré dans un journal, France 3, je crois, le présentateur demande à son invité en plateau, alors comédienne, actrice ou réalisatrice, je ne me souviens plus, ce que lui évoquait ce Paris Noir. Le présentateur lui-même était assez enthousiaste. Ouais. Ce à quoi elle répond en gros, je ne comprends pas pourquoi il devrait y avoir plusieurs Paris, il n'y a qu'un seul Paris. Donc ça m'a fait l'impression de retour à la case départ, comme si cette personne qui visiblement n'a jamais réfléchi à la présence noire à Paris, mais se sent légitime pour commenter un projet visant à la mettre en lumière, résumait tous mes préjugés de départ. Donc qu'as-tu pensé de cette séquence ? Est-elle anecdotique ou au contraire assez parlante ? Ah oui, je me souviens, c'était il y a deux ans, je pense. En fait, je me souviens plus de son nom, à la dame. C'est une écrivaine qui venait présenter son livre. Et donc, je savais qu'il y avait le reportage qui passait ce soir-là. Je regarde et je vois ça et je fais, c'est pas cool. Enfin, tu vois, juste en termes de promo, moi, j'ai mon petit business. Elle arrive et fait, oui, bon, Paris noir, Paris blanc. Tu vois, un peu en mode All Lives Matter. Tu vois, exactement. Chose comme ça. Et donc, je l'ai googlé. Genre le lendemain. Et en fait, je suis tombé sur un article qui disait ne lisez surtout pas son livre. Et le livre qu'elle venait vendre sur le plateau. Elle, ça lui semblait, ça lui paraissait moins scandaleux que mon histoire du Paris Noir, alors qu'elle, elle venait raconter une histoire plus ou moins autobiographique où elle avait eu une histoire d'amour un peu pédophile lorsqu'elle avait 13 ans avec un membre de la Comédie Française qui en avait 40. Et donc, elle vient raconter ça en disant que c'était bien, qu'elle était dans son corps de femme et avec des détails hyper crus. Elle vient raconter ça, et moi qui dis, bon, bah alors moi, je vais vous parler de la négritude. Ah non, non, non, non, ça par contre, ça va beaucoup trop loin, non, en France. Là, bon, s'il te plaît, quoi. Bon, alors, quelles sont les difficultés auxquelles tu as pu faire face quand tu as eu ton idée? Comme tu as déjà dit, l'idée t'est venue parce qu'il y a eu une demande. Ouais. Et que, voilà, tu t'es dit, bah, allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que tu as eu des difficultés particulières? Les difficultés que j'ai eues déjà, au départ, je pense qu'elles venaient de moi-même. C'est-à-dire que je me disais, l'idée a vraiment germé dans ma tête et j'avais un petit peu de mal à me lancer. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux le faire? Etc. Et donc déjà, il y a eu cette première étape de se mettre au travail. Et puis ensuite, quand j'ai voulu le faire, la question qui revient systématiquement, qui revient un peu moins, mais qui revient toujours quand même un petit peu, c'est est-ce que c'est communautaire? Est-ce que c'est communautariste? Et je comprends pas ce débat, en fait. J'ai beau le retourner dans ma tête, dans tous les sens. Si je disais mes visites sont réservées aux gens qui sont noirs, et s'il y a jamais un blanc qui veut venir faire ma visite, c'est non. Peut-être, à la limite. Mais sinon, ce sont des visites thématiques, comme il y a des visites thématiques surtout. À Paris, c'est une des villes les plus visitées au monde. Il y a énormément de choses historiques qui sont passées à Paris. Donc, on peut découper, en fonction de ses intérêts, Paris et le visiter, l'étudier de cette façon-là. Alors, j'imagine que je me posais la question, les gens qui viennent ouais. vers toi pour faire cette visite, est-ce qu'ils sont à chaque fois totalement ouverts sur la question? Est-ce que tu en as qui arrivent avec prêts à réagir, prêts à répondre, sur la défensive, en fait? Ça parle mais c'est assez rare. Ça peut arriver parfois qu'il y ait des gens, parce qu'en fait c'est des, même si c'est pas une, enfin je pense pas que la visite soit particulièrement polémique ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que certains sujets, par exemple on va parler de colonisation et à certains moments d'esclavage, notamment à Saint-Germain, et il y a des gens pour qui c'est des sujets un petit peu sensibles, etc. Donc on peut avoir des réactions, mais dans l'ensemble je pense que j'ai pas de problème à aborder quelques sujets que ce soit avec les gens, parce que c'est pas fait sur l'angle de vous avez intérêt à être d'accord avec moi. Si quelqu'un n'est pas d'accord, que la personne le dise, et puis je dis pourquoi moi je pense ça, j'essaye de l'argumenter, et puis la personne a ses propos en face, et on peut discuter. Comme j'ai dit, j'ai déjà fait la visite. Je me souviens que dès le début de la visite au Panthéon, ouais. Tu plaisantes sur ta volonté d'ignorer d'emblée les figures blanches ouais. qui s'y trouvent pour ne parler que des noirs. Ouais. Donc une approche logique vu le thème, mais qui peut braqué, puisque nous sommes ouais. en France. Ouais. J'imagine que ça peut choquer certains, mais ça peut aussi permettre de dérider un peu tout de suite la discussion. Est-ce que c'est une volonté de ta part? Oui. Parfois, alors c'est des visites que je fais à la demande, c'est assez rare, mais c'est une visite qui me tient vraiment à cœur. Une visite du Panthéon, même, du Panthéon en soi, et c'est, je l'appelle le Panthéon noir. Et on parle des personnages noirs et des abolitionnistes, donc qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage, même s'ils n'étaient pas nécessairement noirs eux-mêmes. Et quand on fait la visite, on peut passer devant la tombe, je ne sais pas, d'Émile Zola ou de Victor Hugo, de Jean Jaurès. On ne dit rien et on va directement voir Félix Eboué, par exemple, parce que si vous voulez en savoir plus sur Victor Hugo, il y a des téléfilms, des reportages, machin, un truc comme ça. Et voilà, je décide de prendre cet angle-là et j'oblige personne à venir, mais en tout cas, j'essaye de faire quelque chose de cohérent. Et le programme même de la visite, j'imagine que c'est beaucoup de recherches personnelles, ouais. puisque il n'y a pas un canevas déjà prêt au moment où tu te lances dans le projet. Je voulais savoir, est-ce que c'est facile de réfléchir et d'étudier cette histoire en France sans subir l'accusation d'être communautariste, centré sur une communauté? Bon. J'ai pas d'interdiction, hein, y a pas d'interdiction légale, de pression, de quoi que ce soit. On est encore en pays libre, donc de ce point de vue-là. Oui, je parle de ressenti. Mais plus en ressenti, en tout cas, c'est quelque chose, ça génère la curiosité. Et en fait, c'est ça que j'aime dans mon projet. C'est que ça ne laisse personne neutre. Il y a des gens, je vais avoir des réactions assez honnêtes de la part des gens qui vont toujours être assez tranchés. Ça va être, ah, c'est super, d'accord, ou, pourquoi c'est bizarre, etc. Donc les gens ont une réaction et ça c'est déjà pas mal. Après, je pense pas que ce soit problématique. Comment dire, la visite, je l'ai faite pour suffisamment de gens différents pour que au final je puisse être sûr de moi en me disant voilà, je peux avoir à peu près n'importe qui à la visite et la personne sera pas mal à l'aise pas seulement parce que je vais la prendre dans le sens du poil, mais plus parce que c'est une visite thématique et que c'est pas une visite sur le ressenti des gens à propos des Noirs. C'est pas ça le truc. Je demande pas aux gens, est-ce que vous avez des amis noirs, est-ce que vous avez lu Césaire. C'est pas ça le sujet de la visite. Donc voilà. Une question aussi par rapport au nom, le ouais. Paris Noir. Il me semble avoir vu un moment Black Paris Tour. Walks. Je sais, Black Paris Walk. Ouais. Je me souviens qu'il y avait aussi, il y a bien sûr des clients non français, ouais. anglophones. Est-ce que y a toujours eu les deux noms ? Ouais. Est-ce qu'il y a eu un choix de passer au Paris Noir ? À la base, il y avait les deux, Black Paris Walks et le Paris Noir. Et en fait, déjà, les premières médiatisations que j'ai eues, c'était de médias francophones. Donc, c'était compliqué pour eux juste de dire Black Paris Walks. À chaque fois, il y avait un doute, un machin. Et puis, en fait, le terme « le Paris Noir », en anglais, c'est très transparent, en fait. C'est-à-dire que Paris, ça reste Paris. Noir, c'est un mot qu'ils utilisent aussi, pas dans le contexte racial, mais voilà, plus le genre littéraire noir, etc. Les romans noirs, LA noir, et trucs comme ça. Donc ça, ils le disent. Et le, donc le seul mot français qu'ils connaissent. Donc ça va très bien au final. Le Paris noir, ça marche très bien. Donc je communique plus uniquement sur le Paris noir. D'accord. On a parlé du fond, ouais. mais je pense que la forme est aussi intéressante, puisque tu es guide dans Paris, mais tu es relativement jeune. Ouais. Tu es noir, on peut l'imaginer. mais c'était aussi sur les supports qui sont utilisés, puisque tu ne te promènes pas avec des encyclopédies. Non. Tu as, il me semble, une tablette. Voilà. Est-ce que c'est juste ta façon d'être, ou tu as réfléchi à la forme, à la façon de présenter les choses ? Avant, j'ai toujours pensé que, et même avant que je fasse le Paris Noir, j'ai commencé à faire des visites où on avait des supports, des espèces de classeurs. Et c'était déjà parce que illustrer les choses dont on parle, c'est facile, enfin ça rend les choses plus faciles, et puis encore plus, lorsque tu es avec des étrangers, il peut y avoir des ambiguïtés sur les mots, etc. Ou si je parle de quelqu'un qui s'appelle Aimé Césaire, pour nous, c'est évident. Pour un touriste américain, on a 95% qui n'ont jamais entendu parler des messieurs, donc c'est pas mal de leur montrer une photo. Et pareil pour les endroits, si tu veux montrer les évolutions. Donc l'idée de le faire avec une tablette, tu peux zoomer, c'est plus facile d'utilisation, et ça rend les choses... Ça donne un petit côté pédagogique, parce que si jamais je me contentais juste de parler sans même montrer une photo, mettre un petit peu de contexte et tout, les gens ont l'impression d'être dans une sorte d'amphi. Donc voilà, c'était pas ça l'idée. Alors, ce n'est pas dans ton périmètre géographique, mais il y a eu cette année et l'année dernière l'exposition Color Line au musée du Quai Branly. Et moi, en voyant ça, je me suis dit, à quand une exposition aussi complète, aussi décomplexée sur l'histoire noire française ou sur son histoire coloniale, mais aussi qu'il y avait plusieurs noms que j'avais aussi entendu dans ta visite. Donc déjà, je ne sais pas si tu y es allé toi-même Color Line. J'y suis allé plusieurs fois, et j'ai même fait un partenariat en fait avec le Quai Branly, où on a fait deux visites offertes par le Quai Branly. D'accord. Et à la fin, on ramenait les gens. Et une dernière fois, le dernier week-end de l'exposition, j'ai fait une visite rive gauche et ensuite dans l'exposition. D'accord. Ouais. Bon, alors on précise, puisque tout le monde n'y est pas allé. Donc Color Line, c'est une exposition qui était consacrée aux artistes afro-américains pendant la ségrégation aux États-Unis. Et donc, est-ce que tu peux déjà nous dire quels étaient ces noms dont tu parles en lien avec Paris, ouais. et qui étaient présents dans cette expo ? En particulier, Richard Wright et James Baldwin, c'est les deux dont je parle le plus sur la visite rive gauche, et qui sont là, qui sont des grands écrivains, des grands journalistes afro-américains qui ont vécu beaucoup d'années en France, et les deux sont même morts en France, donc un lien fort avec le pays. Et donc il y a leurs œuvres, des articles d'eux qui sont à Color Line, et un autre dont je parlais un petit peu, mais pas directement, dans l'exposition, qui s'appelle Horace Pippin, et qui était un soldat, ce qu'on a appelé les Harlem Hellfighters, les combattants de l'enfer d'Harlem, qui sont venus pendant la Première Guerre mondiale se battre pour la France. Et il a été blessé à la guerre, et il s'est mis au dessin, en rentrant aux États-Unis, a dessiné des croquis de la guerre. Et il n'avait jamais vraiment dessiné de sa vie, et c'est devenu un peintre professionnel reconnu. Et les premières choses qu'il s'était mis à peindre, c'était les tranchées, Verdun, des choses comme ça. Peut-être pas Verdun, mais d'autres batailles, des trucs comme ça. Donc, ouais. On va passer de la peinture à la musique, ouais. puisque c'est une émission musicale, Conan Lamby, Musique Jeudi. Ouais. On va écouter un premier morceau que tu nous as ramené. Il s'agit de Miles Davis, qu'on va jouer tout de suite. Ouais. Miles Davis. Kevin, pourquoi est-ce qu'on écoute Miles Davis ? Parce que Paris, parce que noir, parce que le jazz. Miles Davis, il a son premier voyage à l'étranger, c'est en France. C'est à Paris. Et puis la France a un lien particulier avec le jazz. Nous, moi en tant que jeune noir, jeune entre guillemets noir, quand je pense au jazz en France, je pense plutôt à une musique un petit peu élitiste, plutôt coincée, quasiment comme de la musique classique, on dirait. Alors que, à la base, c'est pas vraiment ça. Et que le jazz, en fait, d'une certaine façon, il a trouvé ses lettres de noblesse en France, après la Première Guerre mondiale, où beaucoup de jazzmen sont venus jouer en France, et donc il y a toujours eu une espèce de continuité. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est Miles Davis qui est vraiment un des symboles des Américains qui jouent du jazz et qui sont connus, qui passent à Saint-Germain, qui parlent de la France, etc. Dans la visite du Paris Noir, donc il y a de la musique. Oui. Il y a aussi des personnalités antillo-guyanaises. Oui. Alors par contre, je me souviens pas de personnalités antillo-guyanaises qui font de la musique. Est-ce qu'il y en a dans... Est-ce que j'ai été manqué d'attention ? Non, t'as pas manqué d'attention. C'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais ajouter dans mes visites, en parler un petit peu plus. J'ai plus centré sur le jazz. Après, sur la visite rive droite, par exemple, on passe entre Pigalle et Montmartre. Et là, des endroits comme La Cigale, tout ça, au XXe siècle, ça a été des hauts lieux de la biguine. Rive gauche, bon ben il y a le fameux Bal Nègre, il y a d'autres lieux. Donc oui, il y a évidemment des choses à dire sur des Mavounzi, sur plein de grands musiciens. J'en parlais avec une amie qui me parlait du rôle qu'a joué par exemple Paris dans l'essor de la biguine, que ça s'est fait aussi bien Antille-Guyane, mais que le Paris, ça a été un lieu important aussi pour. Alors on sait que aujourd'hui il y a des lieux très importants, notamment pour le jazz caribéen, comme le Baiser Salé ouais. Avec une vraie vitalité. Moi, j'ai vu cette semaine sur France O, B-World Connection, ouais. Donc ancien, je pense. Ouais, 2013, ouais. Et il y avait une très bonne 2014. Réaction d'une visiteuse qui disait que ce qu'elle trouvait intéressant, c'était de se dire que l'histoire des Noirs à Paris n'était pas linéaire. Ouais. Et moi, ce que je me suis dit, c'est comment se fait-il que dans les années 20-30, il y ait ce dynamisme, cette popularité de la biguine par rapport à ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as réfléchi à cette continuité historique et est-ce que tu as observé des cassures particulières ou pas du tout ? Quand tu dis, tu parles de dynamisme et d'enthousiasme, tu parles du côté, on va dire, des Noirs ou de la population blanche autochtone ? De la population, de la popularité vraiment pour tout le monde. Oui. C'est-à-dire, on va forcément parler du Bal Nègre, ouais. Où tout le monde va pour écouter, pour danser sur de la biguine comme on irait danser aujourd'hui sur de la salsa ou autre. Déjà, il y avait vraiment une espèce de nouveauté. Ça arrive dans un contexte où la Première Guerre mondiale, ça a été un moment atroce dans l'histoire de France. C'est 2 millions de morts, on danse plus, on sort plus, etc. Et puis après ça, on arrive dans un moment où les gens ont envie de faire la fête, ont envie de sortir de toutes ces pensées sombres. Et il y a une espèce de curiosité qui parfois est malsaine, hein, faut pas avoir peur de le dire, pour ce qu'on appelle la musique nègre, les arts nègres, etc. Donc il y a vraiment cette curiosité pour ça. Après, de dire que c'est fini, je pense pas du tout. Si on réfléchit de façon large et tout, on se rend compte que si tu vas à un mariage de Français blancs dans la France profonde blanche, tu vas entendre du Magic System, tu vas... C'est pas forcément des choses que moi, j'écoute, mais ce que je veux dire, c'est que tu as un petit truc, même dans la France très blanche, de ces musiques-là, de la world music, du zouk, de plein de trucs comme ça, qui tu sais pas d'où ça vient. Enfin, si, tu sais d'où ça vient. Ouais. On va écouter un petit morceau de Big In que tu nous as ramené. Il s'agit de Lola Martin et le titre, je crois que c'est... Edamizo. Tout ça au moins des moins de cabaou. Malgré tout ça, on les dit des moins. Ou m'en des ans de moins baou pour ça. Malgré tout ça, on les trompe moins. Ou m'en des paillasses moins baou matelas. Ou m'en des madras moins baou foula. Ou m'en des moins baou berceuse. Malgré tout ça, on les quitte moi. Monsieur Léon, boum, boum, boum, Monsieur Léon, pas cassé les moi. Monsieur Léon, boum, boum, boum, Monsieur Léon, pas cassé les moi. Et d'amiso, et tout ça, on m'a demandé, moi, t'es cabaou. Et d'amiso, et malgré tout ça, on les quitte moi. Donc, on parle de la Big In dans. Alors, là, on n'est pas vraiment dans les années. Dans les années de la guerre. Par contre, ce que je voulais savoir, c'est au niveau des lieux. Réservé à ça, donc bon, le but n'est pas de faire de la pub pour le bal nègre, mais dans le peu de recherches que j'ai faites, c'était l'un des rares exemples de lieux où cette musique était jouée. Je voulais savoir s'il y avait d'autres lieux, et aussi je voulais savoir s'il y avait des rencontres particulières entre les artistes antillais et les artistes afro-américains qui étaient là à la même période. Alors, je ne suis pas expert sur la question et je ne veux pas dire de contre-vérité ou de trucs comme ça. Des lieux où il y a eu des rencontres entre tous ces gens-là, oui, je pense que le bal nègre, c'est un des lieux avec en plus le nom qui tape un peu, ou pas. Mais il y a d'autres endroits, je pense, peut-être après l'après-guerre, des endroits comme le Tabou, le caveau de l'Orientais, tout ça, les endroits rive gauche aussi, qui étaient des endroits, voilà, on pouvait croiser aussi bien des blancs d'ailleurs, hein, des Français blancs, des Boris Vian, des Sartres, etc. Et des Antillais comme des Américains de passage. Donc oui, les rencontres et les échanges se sont faits. J'ai lu des anecdotes assez intéressantes, notamment parfois même drôles sur un Américain qui ne serait pas parti pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que la plupart des Américains sont partis pendant la guerre, qui était afro-américain et qui risquait d'avoir des problèmes avec l'administration, les autorités, et qui se faisait passer pour un Martiniquais en disant qu'il s'appelait Charles Louis, alors que son nom c'était Charles Louis. Et il disait « Non, je suis Martiniquais, laissez-moi tranquille », et c'est passé comme ça. Voilà. Parmi toutes les personnalités donc, qu'il y a à découvrir dans le Paris noir, donc on a dit qu'il n'y avait pas forcément d'artistes caribéens qui faisaient de la musique, mais... Ouais. Il y a pas mal d'artistes caribéens antillais. Alors, moi, j'ai en tête Césaire et Fanon, oui. Mais il y a aussi des Guyanais, ouais. Félix Éboué. Félix Éboué, je parle de Monerville, je parle beaucoup de Monerville. Est-ce que tu peux... Alors, je ne sais pas duquel on va parler. On va parler de Fanon, ouais. Parce que tu fais un gros travail de propagande pour le film Concerning Violence. Ouais. Tu l'as vu ? Du coup, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai eu droit à ce traumatisme. parle-nous un peu de Fanon, voilà. Déjà, le lien avec Paris, oui. Et pourquoi tu y es, tu sembles y être attaché. Alors, ce que je veux dire, en fait, quand je parle de Fanon, la première chose que je veux dire, c'est que la reproche du communautarisme, par exemple, le procès en intention du communautarisme de cette visite-là, je trouve que Fanon, c'est un auteur français, administrativement en tout cas, qui est hyper lu, qui a un message finalement qui est très universel, puisque, par exemple, Les Damnés de la Terre, c'est quelque chose qui peut très bien s'appliquer dans une colonie comme l'Algérie, mais ça pourrait aussi s'appliquer dans les colonies d'Afrique noire, d'Asie, d'ailleurs. Et c'est un livre qui est traduit dans toutes les langues. Donc déjà, l'idée de ramener, de parler de Fanon, c'est déjà une façon de rendre hommage à, pour moi, un auteur francophone majeur et qui est lu, étudié partout dans le monde et un petit peu ignoré en France. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que Fanon aussi permet d'introduire une espèce de critique qui essaye de vendre un Paris idéalisé, Paris terse, qui ne connaît pas le racisme et la ségrégation, les Français, les droits de l'homme, etc. Notamment des Américains. Notamment des Américains, mais aussi des Français. Oui. Et en fait, de dire, en fait, c'est plus complexe que ça. C'est, si vous êtes un noir américain communiste pendant la guerre froide, évidemment, allez vivre en France. Vous allez aller à Saint-Germain, vous serez pote avec Gide ou Camus, et ce sera super cool. Mais si vous avez un problème avec l'empire colonial français, où est-ce que vous allez ? Et quelqu'un comme Fanon, il a fini ses jours aux États-Unis. Donc ça montre aussi que c'est pas non plus parfait. Je fais pas de la propagande en disant le Paris noir, c'était juste un endroit où ça dansait et puis il y avait pas de soucis. C'est dire bon. Voir tous les aspects. Ouais, essayer de voir tous les aspects, d'être mesuré. Enfin, en tout cas, ouais, mesuré. On a tendance à considérer en France que l'histoire noire est négative, figée dans le passé, et est surtout une page à tourner. Ouais. Je voulais savoir d'une manière plus générale, comment cette expérience nourrit-elle ton regard sur l'actualité ? Puisque toi, tu parles d'une certaine période historique, mais j'imagine que tu observes l'actualité à la lumière de tout ça. Oui, alors il y a une partie qui est un petit peu, on va dire, où, comme tout le monde, je suis entre pessimisme et optimisme. Alors la partie pessimiste, c'est de se dire que l'histoire n'est pas linéaire, justement, comme tu disais tout à l'heure, et que on peut faire des retours en arrière, qu'il y a des choses qui semblent acquises et qui peuvent tout à fait, dans un futur relativement proche, être mises en question. Mais en même temps, l'optimisme, c'est de me dire que d'un certain côté, quand on est noir, on n'a pas vraiment à être nostalgique. Ça fait 10 minutes qu'on tourne autour de ça, tu vois, sur la question du bal nègre, par exemple, et le type qui va appeler son truc le bal nègre en hommage aux années 20, aux années 30, et qui va pas comprendre que pour les noirs, c'est pas quelque chose d'excitant, parce que non, personne n'a envie de retourner, personne qui est noir n'a envie de se retrouver à la belle époque de l'entre-deux-guerres, de l'exposition coloniale et de tous ces trucs-là. Donc oui, ça, le Paris noir aussi, parfois, me permet d'être optimiste en me disant le plus dur a déjà été fait. Toujours dans le reportage de B-World Connection, ouais. qui est très bon, où j'en étais. Oui, une autre visiteuse, ou la même, je ne sais plus, fait une remarque par rapport à Gaston Monnerville, donc, qui était à la tête du Sénat dans les années 50. Je me suis posé la question par rapport aux comédiens algériens noirs dont tu parles à un moment, je ne sais plus si c'était à l'Odéon. Habib Benglia à l'Odéon. Voilà, qui était très populaire à Paris, alors qu'au même moment, il y avait les expositions coloniales. Ouais. Moi, aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives, bon, tu en fais partie, avec le Paris noir, mais de personnes qui produisent des documentaires, des choses pour parler de cette histoire, alors qu'en même temps, on va dire, dans le climat national, il y a aussi une certaines libérations, pas de la parole, bon, on va dire raciste pour parler vite, mais aussi de réappropriation, de révision même de l'histoire coloniale. Le fait que dans les années 30, ces deux phénomènes aient pu cohabiter aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Toi, comment tu vois tu parlais de pessimisme, optimisme mélangé. Ben, par exemple, si on veut faire des analogies, on demande aux Français qui sont leurs personnalités préférées, ça va être, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, des gens de couleur. Ça va être des Jamel Debbouze, Omar Sy, Yannick Noah, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de racisme, d'islamophobie fort en France. Les deux coexistent, cohabitent très facilement, et même certains te diront que l'un justifie l'autre. Que, voilà. Donc, ouais, je ne sais pas trop comment répondre. Oui. Ben on va rester dans ton domaine très précis pour parler de ce comédien noir dont j'ai encore oublié le nom. Habib Benglia, ouais. Voilà. Tu expliques, je crois, si tu peux nous rappeler un peu pourquoi, comment c'est justement, ça peut surprendre, les deux coexistaient, les deux phénomènes à Paris, mais en fait c'était lié au fait que Paris, ce n'était pas la France, je crois. Ouais. Paris, c'était pas que la France, c'était la capitale de l'Hexagone, évidemment, mais c'était la capitale du deuxième plus grand empire colonial. Donc, il fallait organiser des expos coloniales pour expliquer aux gens, pour montrer, parce qu'à l'époque, on se déplace pas beaucoup, donc pour visualiser un peu à quoi ça ressemble les colonies, bon, après avec de la propagande derrière. Et puis, en même temps, c'était l'endroit où les élites coloniales étaient éduquées, enfin allaient suivre leur formation, etc. Donc c'était un endroit aussi de liberté pour eux parce que ils étaient entre eux, qu'ils expérimentaient des choses, qu'ils étaient stimulés intellectuellement parce qu'ils étaient dans des établissements prestigieux, au contact de personnes brillantes. Ça a été un endroit de grosse création culturelle. Je voulais savoir si, parce qu'on a dit que c'était le programme de ta visite, c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé personnellement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais encore des découvertes sur l'histoire du Paris Noir ? Oui, je continue. Alors, c'est pas forcément toujours l'histoire du Paris Noir, à tel personnage a fait ci ou a fait ça, même si ça peut encore arriver. Mais c'est de continuer pas me spécialiser, mais en tout cas à peaufiner, à trouver d'autres choses sur des biographies, sur des événements, sur des lieux. Et c'est une histoire qui est hyper vaste, qui a été longtemps ignorée. Et il y a plein de choses encore à venir. Donc la visite continue en permanence d'évoluer. Et puis en plus, comme je la fais beaucoup à des étrangers, ça c'est un truc aussi qu'il faut prendre en conscience, je la fais beaucoup à des étrangers, ils ont des questions sur la France, des questions sur l'actualité, des choses comme ça. Donc ça continue en permanence à évoluer. On va parler, parce qu'on arrive tout doucement vers les dernières questions. Ouais. Le Paris Noir n'est pas ton seul levier, je ne sais pas si c'est pas du militantisme, de communication. Ouais. Tu as notamment une émission de radio, ouais. un podcast produit par Afrostream. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc là on n'en est que au deuxième numéro, mais ça s'appelle Le Chip. Et c'est une émission que je co-anime avec deux amis qui sont journalistes, moi je ne le suis pas, qui s'appellent Mélanie et François. Et toutes les deux semaines, on décrypte l'actualité pop, mais avec un angle plutôt afro-centré. C'est-à-dire que des choses, là par exemple sur le premier épisode, on parlait des Golden Globes, et on faisait une espèce d'analyse de comment la question raciale s'invite en général dans la pop culture. Donc c'est ça l'idée, de le faire sous forme de news, plutôt centré sur la news. Donc est-ce que ça veut dire que tu es plus intéressé par la question noire que par Paris ? Non, mais alors, en toute honnêteté, c'est que je me dis que j'aime beaucoup ce que je fais, mais que professionnellement, on me déplace à 5 km au sud, à l'est, au nord ou à l'ouest, je sais plus rien faire. Donc c'est cette espèce d'expertise, j'ai pas peur de dire ça, cette espèce d'expertise que j'essaye de me créer sur la question noire, on peut la décliner de façon différente. Donc souvent on me demande c'est quoi l'avenir du Paris Noir, est-ce que c'est d'avoir des salariés qui font des visites pour moi ? Pas nécessairement, ça peut être rester noir, mais de façon différente, dans ta radio, dans autre chose. Voilà. Donc, en premier, il y a toujours le Paris Noir, mais quels sont les projets de Kevin Donna aujourd'hui ? Mon projet principal, c'est ça, c'est le podcast. Il y a peut-être un deuxième projet de podcast, mais pour l'instant, c'est secret. On ne peut pas trop en parler. Et puis, aussi réfléchir à des nouvelles visites qui ne sont pas forcément des visites historiques dans la rue où j'emmène les gens à pied, etc., mais plutôt des expériences qui sont autour de lieux. C'est-à-dire que, par exemple, faire découvrir des jeunes entrepreneurs africains à la Goutte d'Or, ou amener les gens dans des restaurants, faire des expériences de ce type-là. Donc ça, c'est l'avenir, et puis on verra, c'est déjà pas mal. Je crois que j'ai oublié dans le courant de l'interview de parler de, justement, tu parlais de la rive droite, de cette autre partie, parce qu'il me semble qu'il y avait des acteurs musicaux sur la rive droite qu'on a oublié. Donc, l'interview ne sera pas cohérente, mais est-ce que tu peux quand même les mentionner pour inciter les gens à ne pas rester que du côté du quartier latin ? Moi, je parle. Alors, voilà. Si on parle plutôt du quartier, du côté Pigalle, on parle des grands cabarets, de clubs de jazz. Donc, on va voir où se trouvaient des lieux comme le Grand Duc, le Monico, des endroits comme ça. Chez Joséphine, on parle évidemment, on commence par Joséphine Baker. On parle de personnages qui ont apporté beaucoup de choses à la communauté afro-américaine à Paris et au milieu du jazz, comme Eugène Bullard ou Sidney Bechet, qui est très connu en France. Donc voilà, on parle de ces personnages-là en particulier. Bricktop aussi. Comment est-ce qu'on te contacte ? Par email, c'est très simple, je réponds sous 48 heures. leparisnoir@gmail.com et puis sous plein de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, sous Le Paris Noir. Et donc l'émission, ça aussi s'appelle Le Chip. Le Chip. T-C-H-I-P. T-C-H-I-P. Merci Kevin. Merci Edès. C'était Kevin Donna pour Le Paris Noir. On va rester sur la thématique parisienne avec d'abord un autre texte de Simone Lagrand, cette fois en créole, Paris, Pacari. Et on va enchaîner avec Paris Chéri d'Éric Pédurant. et peut-être Paris perdu de Jeanne Baudry. C'était EDS pour l'émission Conelambi, musique jeudi, 16h-17h sur Radio FPP. Paris, pas carré. Plein et puis Picassiette en vernissage qui pas connaître ni Picasso ni même Coco et qui jique capable de poquer la qu'il dit là yo pas savent qui ça pour faire. Paris, pas carré. Les artifices qu'a prendi fait, passé ni plus l'humanité qui ça la télé qu'a passé. Paris, pas carré, c'est l'homme mori qui ni, mais pour ça qui pas ni, c'est Kachil avant la paye pour mettre l'huile dans Pakala. Paris qui a podcasté des souvenirs en temps passé où là les colonialisés étaient exposés sans yo parler. Allez, sav, c'est Paris qui ni en bouche l'immigration et que c'est pas toujours Paris la jeunesse les mène pas tchèy, parce jodi jou, ni ça qui ni. Tant, apprendre l'histoire, pas tchè, pour jambé pak, sans point courir et pas nourri, rien qui Paris, passe Paris, pas carré. Je vais pas mourir ici, tout seul et pauvre. Pas la peine de mentir, il n'y a rien au bout. Y'a rien au bout. Y'a rien du tout. Les heures avancent et le temps passe et mon cœur s'ouvre. Je vais m'oxyre tout seul, arrive bien le jour. Paris chérie, grâce à toi j'ai connu les ombres. Je suis tout petit devant toi, bourgeoise vagabonde. Oh vagabonde.